Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin nous retrouver. Écrire aujourd'hui est un moyen de continuer le dialogue. Précis. 27 avril 1997. Il était un piano noir. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Adaptation Sophie Lemp. Rencontre de hasard. Si l'amour, les hommes ont conduit toute votre existence, d'autres rencontres, hommes ou femmes, ont été essentielles. Vous en avez simplement croisé certains. D'autres se sont comme installés dans votre vie. Votre mémoire est emplie de ces visages aimés. La première de ces rencontres du hasard, c'est sans doute Monsieur Victor. Vous avez 20 ans. Je vis en Belgique. J'auditionne dans des petites boîtes. Un soir, sans l'avoir prémédité, je sors de la ville. Je marche. Je suis vêtue d'une salopette verte, chaussée de grosses bottes lourdes. C'est là toute ma richesse. Je n'ai plus de papier. Je les ai abandonnés dans un hôtel que je ne pouvais plus régler. Je n'ai plus rien. Je veux rentrer en France. Je marche depuis plus d'une heure. Je n'ai pas entendu venir la Chrysler noire de M. Victor qui s'est arrêté à ma hauteur. Il me demande où je vais. Quand je lui annonce que je vais à Paris, il me propose de m'emmener. Je lui explique que je voudrais bien, mais que je n'ai pas de papier pour passer la frontière. Il n'est pas du genre à s'embarrasser de problèmes de papier, M. Victor. Je monte, il ne me dit rien. Il ne me pose aucune question. De temps à autre, il se contente de me regarder en biais. Au poste de douane, il descend de voiture. Un douanier s'avance vers lui. Au bout de 2 minutes, il remonte et démarre. La Chrysler file en douceur. Féline, on est en France. Vous n'étiez pas de ceux qui posent des questions. Avec vos tatouages jusqu'aux oreilles, vous aviez l'air d'un drôle de cinéma. En crocodile, sous ce chapeau, vous m'avez dit, je suis trafiquant de voitures, on contournera la frontière, peur de rien, j'avais la folie chantée. Paris était loin, je n'en pouvais plus. Victor, monsieur Victor, je me souviens encore de cette auberge et du café chaud. Victor, monsieur Victor, vous aviez un... Quand on sort de l'auberge, que l'on reprend la route, monsieur Victor se fait plus tendre, mais reste élégant. Il faisait presque nuit, j'avais beaucoup parlé. Paris n'était plus loin. C'est lui qui parle le premier. Il est souteneur. Il propose de s'occuper de moi. Je lui raconte que je veux chanter. Il commence à me regarder différemment. Attentif. Vous m'avez dit chanter. C'est pas un métier. En bordure de la forêt de Compiègne, des gosses vendent des bouquets de muguet. Victor connaît la vie. Il stoppe brusquement la Chrysler, descend, laisse-moi m'occuper. Et puis revient avec un énorme bouquet qu'il jette sur mes genoux. J'en ai les larmes aux yeux. Victor, monsieur Victor, j'aurais dit oui peut-être. C'est un seigneur, Victor. Mais j'avais en moi la folie de chanter. On arrive à Paris. Victor, monsieur Victor, vous aviez... Je ne sais pas du tout où aller, le soir tombe, une émotion forte me chamboule. Il stoppe, Victor, et c'est moi qui l'embrasse. Il me regarde longuement. Il sort un papier sur lequel il griffonne son nom, son adresse, son téléphone. Il me remet de l'argent, puis ouvre la portière. Je descends. Il attend un peu. Je ne bouge pas. Je vois la Chrysler disparaître en douceur. Je pleure. Il y a eu des femmes aussi, comme Denise Glaser. En avril 1959, vous avez 29 ans. C'est elle qui, à la fin de votre tour de chant, insiste pour vous rencontrer. Denise Glaser. Le corps de Betty Boop avec un décolleté vertigineux. Une robe de crêpe blanc très moulante. Un visage presque de Madone et une voix grave, comme privée d'intonation, languide, comme une seule et même note tirée par l'archet de la contrebasse. Toute pareille à son image sur le petit écran. Cette rencontre sera suivie de beaucoup d'autres. Elle est passionnément à l'écoute. Elle écoute, elle écoute, elle écoute. Et le silence qu'elle laisse entre la réponse de son interlocuteur et la question suivante rend cette réponse à la fois plus dense, plus incisive et plus claire. Le premier discorama que nous enregistrons ensemble n'est pas tout à fait mon premier passage à la télévision, mais c'est le premier à compter pour moi. Si vous n'êtes pas toujours fidèle en amour, vous l'êtes en amitié. Lorsque Denise Glaser meurt en 1983, dans l'indifférence de ceux qui l'avaient courtisée dans les plus belles années de sa carrière, vous êtes l'une des rares à assister à la levée du corps. Je me souviens aussi de Liliane Benelli, pianiste à l'Écluse. C'est elle qui a composé la musique de ce matin-là et de Ni Belle Ni Bonne. Elle est morte dans un accident de voiture dont Serge Lamarre échappait par miracle. C'est pour Liliane que vous avez écrit une petite cantate. Cette petite cantate face au dauphin n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si mille arrêts sur le dauphin. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile face au dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disant bon, je joue, toi chante, chante, chante la pour moi. Si mille arrêts, si sol dauphin. Si mille arrêts, si sol dauphin. Mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la la la la. Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol dauphin. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol dauphin. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte. En 1965, vous rencontrez une autre personnalité, appartenant cette fois au monde de la radio, Lucien Maurice. Nous sommes en septembre, au lendemain de votre général à Bobino. Vous avez 35 ans. J'avais été invité à l'émission Europe Midi. Il faisait un temps superbe. Et j'étais encore émerveillée par cette soirée qui avait été l'une de mes plus belles nuits d'amour. Je passais rarement à l'époque sur les antennes d'Europe 1. Ce qui ne m'avait d'ailleurs jamais beaucoup préoccupé, mais je décidai ce matin-là de m'en étonner et d'en demander le pourquoi à Lucien Maurice. J'allais lui en dire deux mots. C'est alors que j'aperçus marchant devant moi deux hommes, l'un très grand, l'autre petit, vêtus d'une étrange veste à carreaux, les cheveux blonds, frisés. Poussé par je ne sais quelle intuition, je compris que c'était lui. Je surgis et me plantai devant les deux hommes qui, sidérés, s'arrêtèrent de converser. Et je restai muette devant ce visage, la belle laideur de cet homme-là qui me regardait, étonné. Lucien Maurice était un être parfaitement immobile. Il fit donc face sans bouger d'un centimètre, mais dans son esprit d'une vivacité extraordinaire, je vis qu'il savait déjà et ma question et sa réponse. Peu importe que fût cette réponse donnée sur le bord d'un trottoir. Ce qui compte vraiment, c'est que je venais de rencontrer un homme dont la présence ne devait plus jamais me quitter. Le soir même, je trouvais chez moi une gerbe de fleurs indécente d'être aussi belle. L'homme était démesuré, paradoxal, généreux, possessif, jaloux dans ses amitiés, merveilleusement impossible, lunaire, et si fragile qu'on se demandait toujours de quel côté il allait tomber. Nous avons appris à nous connaître et décidé que, quelles que soient nos activités, nous prendrions toujours le temps de ne pas nous perdre. Jamais il n'a failli à cette promesse. Ce petit homme fragile avait une force terrible, une intelligence aiguë, une grande sensibilité. Il adorait les enfants et la musique, le bruit autant que le silence. Il ne cessait d'avoir le souci des autres. Il connaissait ses pouvoirs, mais n'en abusait jamais. Il était habité d'une belle désespérance, angoissé. Il parlait souvent de la mort, du mal de vivre. Ne préviens pas, ça arrive. Ça vient de loin. Dans les couloirs d'Europe 1, le jour où Lucien Maurice a disparu, ayant mis fin à ses jours, une douleur grave et belle s'est installée. Il suffit de constater dans quelle sérénité s'est préparé l'adieu pour comprendre à quel point le petit homme blond était adoré de sa tribu. Il lui inculquait à chaque seconde l'amour du métier. Fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre. Ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte, ou bien d'Afrique, ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut pas. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre. Prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, de rire en coin, et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins. Au début des années 80, vous commencez à écrire un spectacle musical à deux voix Lily Passion, que vous jouerez avec Gérard Depardieu. Parlez de Gérard. Parlez de Depardieu. Parlez de notre relation passionnelle. Dire nos fous rires, l'émotion toujours neuve que nous éprouvons à nous retrouver, à nous téléphoner dans un temps suspendu. Nous ne nous sommes pas vus depuis 8 jours, 1 mois, 1 an, je ne sais pas, et c'est sans importance. Il téléphone, c'est moi, et je sais exactement comment il est et comment il va. J'ai le souvenir de lui autour d'une table, je lui raconte Lily Passion, la rencontre de Lily et de David. Il me dit, c'est pour moi David, c'est moi, écris-le. David, c'est lui. Et à partir de cet instant-là, durant 6 années, Lily Passion se fait, se défait, se construit, se déconstruit. Il est là, toujours. Je travaille avec la pensée de David et la présence de Gérard. Il est en Mauritanie où il tourne Fort Sagan. Je lui envoie une cassette avec le crépitement de la pluie de Précis Jardin. Il revient. Vous lui lisez un jour au téléphone le premier jet d'un passage de Lily que vous venez d'écrire pour lui. Il ne changera pas une virgule. Il écoute beaucoup. Et par ses silences, avec une infinie délicatesse, il va me guider. Très intelligemment, par son langage, son attitude, il va me faire comprendre ce qu'il a envie de dire et comment. Il surgit un matin apprécié dans le désordre d'un bureau jonché de feuilles de cahier qu'il ramasse en riant. Toujours ce fou rire de cancre entre nous. Il est venu me regarder, me rassurer. Il dit qu'il est venu prendre des forces. Il repart, il tourne. Il y a des jours où il voudrait être Lily Passion et chanter comme elle, le voleur. Oui, c'est un voleur. Il vous vole tout pour mieux vous le retransmettre. À Nantes, où vous êtes ensemble en tournée, vous assistez un matin au baptême de la rue de la Grange aux Loups. Hommage que la ville a décidé de vous rendre pour votre chanson « Nantes ». Au moment où l'on découvre la plaque, il s'écrit « C'est mon père ». Nantes, à cet instant, est devenue la ville où est mort son propre père. Et plus seulement le vôtre. Un soir de représentation, il s'aperçoit durant la scène d'amour que je ne suis pas tout à fait dans la lumière. Il va alors doucement reculer pour me faire rentrer, moi, dans la lumière. Personne d'autre ne ferait ça en scène. C'est la première fois que j'ai peur de la nuit. Le silence des théâtres, c'est comme un lac. Pourquoi tu dis ça ? Le silence de l'amour, c'est comme un lac aussi. Héron, tu es douce. Gérard le séducteur. La séduction personnifiée. Tu es douce. Nous n'avons jamais perdu le goût ni le désir l'un de l'autre. Ta vraie vie. Si la vie devait nous divorcer, nous aurions toujours envie de nous reconquérir. C'est quoi ? Ce soir, c'est de t'avoir suivi, d'être avec toi, rien d'autre. Murmureuse. Dans une autre vie, je chantais. Il y avait des pianos. Dans notre vie, tu chanteras pour moi. Des pianos, je t'en planterai partout. Partout ? Oui, on voyagera. Oh, j'ai peur, David. Tout à l'heure, quand t'es venu avec ton sac en mica rempli de fouillis bleus. Du zan ? Du zan bleu. Du zan bleu ? Oui. Ah bon ? T'avais peur ? Non, non. Mais pourtant... D'autres amis sont morts et vous manquent. Jacques Brel vous manque. Parfois le souvenir de lui vous prend à la gorge. Comme un matin où vous rendez visite à votre sœur. Je sors de l'hôtel. Un escalier accède directement à la plage. Mon sac pèse lourd à mon épaule, je le dépose sur un monticule de sable et je me mets à penser à Jacques. Ce n'est pas qu'il soit mort qui me révolte le plus, c'est qu'il ne voit plus ni la mer ni le ciel. Je repense à cette exigence qu'il montrait vis-à-vis de lui-même, à son rire, à nos longues heures de route dans sa jacque verte. Tout me revient assise là dans le sable, 6 ans après sa disparition. Il est toujours présent. Je ris avec lui. Quand ceux qui vont s'en vont aller, quand le dernier jour s'est levé dans la lumière blonde, quand ceux qui vont s'en vont aller pour toujours et à tout jamais sous la terre profonde, quand la lumière s'est voilée, quand ceux que nous avons aimés vont fermer leurs paupières, rien ne leur est épargné. Oh, que du moins soit exaucé leur dernière prière. Ils dorment. Ils ne meurent pas au fusil en expirant déjà la vie qu'à peine ils allaient vivre. Qu'ils ne gémissent pas leurs cris seuls, rejetés ou incompris, éloignés de leurs frères. Qu'ils ne meurent pas en troupeau ou bien poignardés dans le dos, ou qu'ils ne s'acheminent en allant au troupeau de la mort, sans ciel, sans arbre, sans décor, la poitrine. Qui n'avait rien demandé, mais qui savait s'émerveiller d'être venu sur terre. On leur laisse choisir au moins le pays, fut-il lointain de leur heure dernière. Qu'ils aillent donc coucher leur corps dessous les ciels pourpres et or, au-delà des frontières. Ou qu'ils s'endorment enlacés comme l'éternel fiancé dans la blonde lumière. Ceux qui vont s'en vont aller pour toujours et à tout jamais au jardin du silence. Sous leur froide maison de marbre, dans les grandes allées sans arbres, je pense à vous, ma mère. Qu'ils aient pour dernier souvenir la chaleur de notre sourire comme étreinte dernière. Peut-être qu'ils dormiront mieux si nous pouvons fermer leurs yeux. Je pense à vous, ma mère. Qu'ils dorment. C'était « Il était un piano noir » d'après les mémoires interrompues de Barbara. 8e épisode « Rencontre de hasard » avec Sophie Doll, Barbara, Claude Aufort, le piano noir. Adaptation Sophie Lemp. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Claude Nior, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Il était un piano noir, mémoires interrompues de Barbara, et publié aux éditions Fayard.